Ce n'est pas difficile, avec un dictionnaire. Et puis, si un Espagnol ne te comprend pas, tu lui dis « Comment dit-on tel et tel mot en espagnol ?» Si l'Espagnol en question comprend ta question, c'est qu'il connaît le français. Tu compliques tout. Et comme d'habitude, tu es de mauvaise foi. De mauvaise foi, moi ? Oui. Avoue plutôt que tu ne veux pas venir en Espagne et que tu cherches de mauvaises excuses. Je cherche de mauvaises excuses, moi ? Oui. Tu ne veux pas aller en Espagne parce que tu prétends que je ne sais pas l'espagnol et que je ne suis pas doué pour les langues. Je n'ai jamais dit ça. Réfléchissons davantage à la question. Quand nous aurons une idée, nous pourrons en discuter à nouveau. Le mieux, je crois, c'est d'aller chez mes cousins.